La société internationale exalte l'invincibilité du Parti du travail de Corée. Les personnalités des partis politiques et des formations de divers pays qui ont visité la République populaire démocratique de Corée, y compris les chefs des délégations de la Fédération générale des travailleurs du Pérou et de la Fédération syndicale du Laos, ont dit que le Parti du travail de Corée, qui a pour guide les idées du Choche et du Sungun, créé et développé par les grands camarades Kim Il-sung et Kim Jong-il, et qui jouit de la direction du respecté camarade Kim Jong-un, est un parti puissant qui conduit les masses populaires à la victoire. Les médias étrangers, notamment l'agence de presse russe Lia Novosti, le journal cubain Granma, le journal zimbabwéen Herald, le journal uruguayen La Juventud, l'agence de presse bulgare Focus, la télévision Sogormata du Népal et le homepage d'Internet du Centre d'études des idées du Choche du Brésil ont rapporté que le peuple coréen triomphera dans la lutte pour la réunification de la patrie sous la direction du Parti du Travail de Corée en soutenant l'orientation en matière de réunification nationale précisée par le camarade Kim Jong-un lors du 7e congrès du Parti du Travail de Corée.